cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير أي من أسماء الله سبحانه وتعالى عندما تفضل أخذنا في درسنا الأخير تصفير اسم التواب اسم التواب نعم والدليل على هذا الاسم تعالى وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم أحسنت دونك من أسماء الله عز وجل التواب ما معنى هذا الاسم فضل. معنى هذا الاسم أن الله عز وجل لم يزل يتوب على التائبين ويغفر النائبين من ذنوبهم الذنوب المذنبين نعم المذنبين. أحسنت التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين فمن تاب تاب الله عليه سوري كيف التوبة الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وتوبته عز وجل على نوعين توبة الله سبحانه وتعالى على نوعين فالله سبحانه وتعالى يتوب على العبد العبد كذلك يتوب إلى الله c'est pour ça que التواب c'est celui qui accepte le repentir ça vient du mot توبة et العبد يتوب أي il se repent si tu as compris هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله توبة العبد بين ماذا من يذكر تذكر بين توبتين توبة التوفيق من الله أحسنت وتوبة القبول توبة العبد بين توبتين أي توبة الله سبحانه وتعالى تفضلوا لدو نوع سي عبد مغبتي في التوبة مثلا فلان من الناس il fait tawbah aujourd'hui هذه التوبه de ce serviteur elle est entre deux tawbah d'Allah subhanahu wa ta'ala تفضلوا la première ما هي احسنت ان الله عز وجل يوفق هذا العبد للتوبه qui a permis à ce عبد de penser à faire tawbah et de vouloir à faire tawbah هذه الإرادة الإرادة من أفعال القلوب dans le cœur de l'insan c'est Allah subhanahu wa ta'ala وإلا si Allah il l'aurait pas guidé il n'aurait jamais pensé à faire tawbah فالله سبحانه وتعالى c'est tawbah بهذا المعنى أي أنه il facilite à qui il veut à tawbah الثانية من هنا أحسنت وهذه بعد توبة العبد دونك الله لو فاسيليتي ثم هذا الانسان يتوب avec les شروط il regrette il est sincère il refait plus هذا الذنب الله سبحانه وتعالى il accepte sa توبة فيتوب عليه بعد توبته après la توبة du عبد دونك توبة العبد elle est entre deux توبة هذا كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله كما تقدم ça résume معنى هذا الاسم ثمرة هذا الاسم أو التعبد بمقتضى هذا الاسم سواضح عندما تفضل لم يقنط برحمة الله عز وجل نعم أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل الله ستتوب فالسلوي كي أجلسي كي أفبلي كي أفان ذنب qui a désobéi, fala yaqnat min rahmatillah. Allah c'est tawwab, c'est le ghafour, c'est le rahim, c'est le afou, c'est arhamur rahimin, kama taqaddam ma'ana wa kama sayati bi idhnillahi azza wa jal. Fahadihi, c'est une thamra azima. I'lam anna rabbaka azza wa jal tawwabun. Et ça c'est une ni'ma azima. Hada l'ilm c'est une ni'ma. Yana kam minan nas yaqnatuna min rahmatillah. Ils désespèrent. Et ils pensent qu'ils ont été trop loin. Alors que رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء مهما فعل الإنسان فالله سبحانه وتعالى إذا تاب فيتوب عليه طوك إلى الكونديسيون فهذه بشرة عظيمة pour المؤمن وأخذنا كذلك اسم جامع الناس جامع الناس وهذا تقدم معنا أن بعض العلماء يقولون سان فعل أو من باب الإخبار. بعض العلماء يقولون من الأسماء المضافة. نعم. أما الشيخ سعدي رحمه الله ثبته اسما، وهكذا دوتر سافون parmi les imams de la sunna. على كل حال المعنى جامع الناس، ها؟ يعني جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ليوم لا ريب فيه، أي أنه سيجمع جميع الناس للحساب يوم القيامة. كذلك كذلك يجمع أعمالهم، يجمع أعمالهم وأرزاقهم. كذلك أنا أبي أوتر شوز، يعني هذه فيه بقدرة بكمال قدرته وعلمه. نعم أحسنت. أن الله سبحانه وتعالى موصوف، بعض العلماء يقولون أنه اسم يسمونه قدرة الله سبحانه وتعالى، كالله اللي كباب دو تو، أن شاك ترما il aura des comptes à rendre، il fera partie de هذا الجمع العظيم يوم القيامة. Tout le monde sera ressuscité. Tout le monde rendra des comptes. لماذا؟ لأن الله عز وجل جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الثمرة العظيمة، qu'est-ce qu'on retire si on a compris de ce nom, qu'est-ce qu'on comprend؟ الخوف من الله. أحسنت. الخوف من الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل جامع الناس، يغسمبلوغا tout le monde، et tout le monde aura des comptes à rendre. فلا شك أن الإنسان الذي يتأمل بهذا فسيخاف من الله. كذلك الأعمال، أعمال الكفار، الله سبحانه وتعالى جامع الناس، كذلك جامع أعمالهم. هذا سيبوسي celui qui a fait des zunoub à avoir peur. لماذا؟ لأن tu auras des comptes à rendre sur chaque chose. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Et كذلك on a vu une autre ثمرة عظيمة في المقابل par rapport à l'أعمال، أنه سوف impliquer الخوف من الله عز وجل. Et كذلك من نعم une autre ثمرة par rapport au عمل الرجاء. كيف هذا؟ يعني الرجاء والمحبة، يؤمن بأن الله سيجمع أعماله، لكن أجمع عمل الخير سبع لبوساكوا يعمل الخير، وكذلك أن ما من خير يعمله فيجازى عنه، دونك يتنبى دون القنوط من رحمة الله. لماذا؟ لأن بعض الناس اللي كريتيكهم، بعض الناس ربما يفون تاكوزي دابور اون موفيز انتونسيون او دتر ان انوفاتور او دتر ان انغاري او دتر كذا كذا. سي tu fais لله فلا تبالي. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى جامع اعمال الناس كلهم. ceux qui te critiquent ils peuvent pas t'enlever tes hasanat. si tu as fait لله tu seras récompensé. من يذكر الايه تذكر، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، c'est que se rappelle du verset، فلا كفران، أحسن، فلا كفران للسعي. فلا كفران للسعي، ça veut dire quoi la كفران للسعي؟ الكفر هنا مقابل الشكر، فالله سبحانه وتعالى الشكور، أي عمل تسكسبتوغا يتو ريكومبونسرا. الكفر هنا بمعنى أن tu as fait des عمل et tu es pas récompensé، فهذا لا كفران للسعي. السعي هنا بمعنى الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فلا كفران للسعي. لماذا؟ لأن الله عز وجل جامع أعمال الناس. دونك استفدنا أن لي دو فيرسي كون افي سيتي من سورة الكهف و لو دوزيام من سورة الأنبياء أن هذا يفيد الخوف والرجاء. Pour résumer, أي celui qui a fait des mauvaises œuvres، ça va le pousser à craindre الله عز وجل لأنه il aura des comptes. Celui qui a fait des bonnes œuvres، فالإسبوار et al-mahabba، ça va lui augmenter de la mahabba et كذلك de l'espoir انه il trouvera tous ses a'mal. Ne désespère pas akhi al-karim. N'écoute pas les ennemis de l'islam ou les égarés qui veulent te faire croire que tu n'es pas à la khair. Si tu es sur le droit chemin, fahmadillah et continue à faire des efforts. Al-jabbar عندما أحسنت من معاني الجبار Ça ressemble aux deux noms qu'on a vus auparavant, Al-Ali ou Al-A'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Jabbar et il est fawq al-jami'. Tout le monde est taht hukmé, tout le monde est en dessous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est au-dessus de tout le monde. Bi dhatihi wa bi awsafihi wa bi nu'utihi subhana. كذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى القهار وسيأتي من معاني القهار كذلك العلو من أنواع العلو علو القهر هذا الله ومن معاني كذلك الرؤوف تذكرون؟ تفضل أحسنت أن الله عز وجل يجبر الجبر هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصلح حاله ويهديه et si ce عبد il est touché par une musiba, une catastrophe, un malheur, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide, il lui donne, nufs al-shay. Hada al-ism kadhalik, ça va te pousser à craindre Allah azza wa jalla. Limadha li'annahu c'est le jabbar, c'est le qahar. Il est capable de tout, il est capable de nous châtier si on ne lui obéit pas. Et kadhalik, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jabbar, bi'un al-ra'ouf, hada, ça pousse à al-mahabba, à aimer Allah azza wa jalla et à ne pas désespérer. Hadihi, al-ma'ani al-jamila, تقدمت معنا قال رحمه الله الجليل الكبير فذكر هنا اسمين الشيخ سعدي رحمه الله il a cité deux noms الجليل والكبير et il les a cités ensemble لماذا لأن المعنى il est متقارب أما الكبير فثابت في كتاب الله عز وجل وهو العلي الكبير قال عز وجل وهو العلي الكبير كما في الحاشية أما اسم الجليل فاختلف أهل العلم الشيخ سعدي رحمه الله ثبته هنا beaucoup de savants يقولون أن parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى الجليل et d'autres savants يقولون أن اسم الجليل غير ثابت et ce sera الصحيح لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل توقيفية كما تقدم معنا في القواعد المثلى إن الله سبحانه وتعالى توقيفية أي لابد من دليل avec هذا اللفظ فالذين أثبتوه أثبتوه من وجهين ceux qui ont dit que اسم الجليل c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى ils ont cité deux arguments الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن لله عز وجل 100 اسم أو 99 اسما 100 إلا واحد الحديث اللي صحيح تقدم معنا في القواعد المثلى لكن الزيادة سرد الأسماء أي on a dit que c'était مدرج أي un rapporteur il a cité le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى il a 100 noms 99-1 أي il a 99 noms عز وجل أي parmi ces noms 99 ثم un rapporteur du hadith il a cité des noms 99 noms كأنه pour argumenter pour prouver qu'Allah il a 99 noms cette citation de tous les noms c'est daif. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cité les noms après ce hadith. Et parmi ces noms, il y a Ism al-Jalil. فبعض العلماء أثبتوا هذه الأسماء en se basant sur ce hadith. Al-Hadith, ce n'est pas un argument, il est daif. هذا أولا. وبعض العلماء أثبتوا هذا الاسم en se basant sur le fi'l. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال. Et c'est le Jalil, أي من باب الإخبار. Al-Jalil, ça ressemble à Al-Kabir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Il est immense, Azza wa Jal. فَهَذَا لَشَّكَ أَنَّهُ ثَابِدْ قَالَ عَزَّ وَجَلْ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَاللَّهُ subhanahu wa ta'ala, c'est ذو الجلال والإكرام. وَسَيَأْتِي مَعَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ dans cette رسالة, اسم ذو الجلال والإكرام. وبعض العلماء يقولون أن الاسم ذو الجلال والإكرام وبعض العلماء يقولون الجليل وبعض العلماء يقولون أن هذه الأسماء غير ثابتة اسكي أوتنتيك الله سبحانه وتعالى إلى صفة الجلال أما اسم فيفو أن دليل لعل هذا القول إلى أقرب على كل حال المعنى tu as plusieurs noms qui vont être proches de اسم الجليل On peut en citer deux, Al-Kabir ou Al-Azim. Al-Kabir ou Al-Azim. Amma Al-Kabir, on va lire ensemble aujourd'hui. Et Amma Al-Azim, Inch'Allah Ta'ala, Yati Ma'ana. Et là, chaque Al-Kabir et Al-Azim, c'est deux noms parmi les noms d'Allah, Azza wa Jal. Qala Rahimahullah, Al-Jalil ou Al-Kabir, Alladhi lahu awsaf Al-Jalal. Ay, الأوصاف العظيمة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est ذو الجلال. الله سبحانه وتعالى c'est le كبير. Il est au-dessus de toute imperfection, de tout manquement, de tout défaut, de tout manquement. الله سبحانه وتعالى c'est le حي, c'est le قيوم. الله سبحانه وتعالى c'est le صمد, c'est le جليل, c'est le كبير, c'est العظيم. Tous ces noms, ils montrent أن الله سبحانه وتعالى il a besoin de personne. C'est le غني. أن الله عز وجل il a aucun défaut. هذا معنى الجليل الكبير. قال وهي أوصاف العظمة. Et هنا tu comprends le lien entre اسم الكبير العظيم. Et كذلك الجليل أي من حيث par rapport à la signification. قال والكبرية ثابتة ثابتة محققة لا يفوته منها وصف جلال وكمال. نعم. فالله سبحانه وتعالى il a toutes les صفات parfaites. Tous les attributs parfaits, il les possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le caractériser, le qualifier avec un manquement, avec une faiblesse. فَهَذَا عِيَّدٌ بِاللَّهِ C'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala azim. Et ses noms sont azim. Et ذاته عظيمة, أفعاله عظيمة. Ses صفات عظيمة. فَتَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا مَحَبَّةَ هَذَا الرَّبِّ. Qu'est-ce que je vais retirer de هذه المعاني العظيمة? أن الله سبحانه وتعالى il est عظيم, il est جليل, il est كبير. Donc tu vas le respecter, tu vas l'aimer. Ça va te pousser à lui obéir. Ça va te pousser à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il le déteste. قال الشيخ الفوزان أو قال الشيخ سعدي رحمه الله وهو الموصوف بصفات المجد. كذلك on a notre اسم المجيد. Ça va être proche de هذه المعاني. كثير من الأسماء كما تقدم معنا المعنى il est lié ou il est proche. فهنا مثلا تأمل الجليل et الصحيح c'est qu'on ne peut pas dire que c'est un nom d'Allah. On n'a pas de dalil. والله تعالى أعلم. فالكبير والعظيم والمجيد كذلك سيأتي معنا الغني الصمد. فتو سينو on verra que المعنى est متقارب. قال وهو الموصوف بصفة المجد والكبرياء كذلك المتكبر. المتكبر ساغسامبل اسم الكبير. قال والعظم والجلال الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. هذه الثمرة. Celui qui aime Allah et qui connaît Allah بأسمائه وصفاته et il sait que Allah c'est العظيم, c'est المجيد, c'est الكبير, c'est المتكبر سبحانه. Ça va le pousser à هذا. On répète. قال وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. فلهذا المؤمن لام الله سبحانه وتعالى ويستسلم. أما بعض الملاحدة وبعض الكفرة ils ont plus هذا أو ils n'ont jamais eu هذا التعظيم. بعضهم يسمك, بعضهم يزنسلت, بعضهم ne croit pas. بعضهم كما تعلمون ils se moquent de l'enfer, ils se moquent du paradis, ils se moquent des croyants, ils se moquent des martyrs, ils se moquent du Coran. لماذا؟ لأن قلبهم il a pas هذا الوصف, هذا التعظيم. Et هذا ça va pousser le mu'min أعظم الله سبحانه وتعالى et كذلك أعظم ما أنزل الله عز وجل. لأن si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais que c'est l'azim, c'est le kabir, ça va te pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer ses ordres et craindre de lui désobéir. Mais on vit à une époque كثير من الناس يطعنون في كتاب الله عز وجل. Est-ce que celui qui pense que al-hudud, les sentences, le fait de couper la main du voleur, le fait de lapider le الزاني, celui qui a fait zina et qui est marié, il a akhiré. Est-ce que celui qui pense que هذه الأمور elles sont plus valables ou c'est de la barbarie, est-ce que هذا يعظم الله سبحانه وتعالى? هذا c'est مجرم. هذا c'est du كفر بالله سبحانه وتعالى. أما celui qui حقق معاني هذا الاسم, il va se soumettre, il va respecter دين الله, il va aimer دين الله et il va détester tous ceux qui contredisent هذه المعاني العظيمة. قال رحمه الله قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. كذلك سوف يبوسي المؤمن أوبيغ الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عظيم. كذلك القادر القدير المقتدر، وستأتي إن شاء الله معنا هذه الأسماء. هذا الحقيقة سيبوسي الإنسان أن يبادزوبيغ الله عز وجل، وهو عظيم كبير، سالعلي سالأعلى سالقاهر سالجبار. Il te voit, il est au-dessus de toi, il est capable de tout. Tu vas être jugé. فلا شك الذي يتدبر هذه المعاني سيبوسيها à suivre le droit chemin. فقدم معنا أن أكبر زاجر عن المعاصي et أكبر موعظة pour le مؤمن c'est التدبر و التأمل في معاني هذه الأسماء. Ça va te permettre de suivre le droit chemin, de t'écarter de beaucoup de péchés بإذن الله عز وجل et à faire des efforts dans l'adoration. لماذا؟ لأن tu vas adorer Allah عز وجل بعلم. Et adorer Allah عز وجل بعلم, c'est pas comme l'adorer avec ignorance. بعضهم ils l'adorent avec ignorance et cette ignorance elle les pousse à fonder l'adoration sur العادات ou le taqlid ou pour satisfaire les gens. لماذا؟ لأن العبادة elle est plus fondée sur l'ilm. Il fait pour que les gens ils ne le critiquent pas, ou il ne fait pas pour satisfaire un tel, ou il fait pourquoi? Parce que ses parents ils font, ou parce que dans son pays ils font. فلهذا هؤلاء quand ils changent d'endroit ou ils sont touchés par une épreuve, alors ils adorent plus ou ils faiblissent. أما celui qui adore Allah عز وجل بعلم فإن l'adore بعلم. Et il l'adore par rapport à ses noms et ses attributs en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. Que les gens ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord. قال رحمه الله الجميل وهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى قال في الحاشية ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. الجمال يترجم par la beauté. فالله سبحانه وتعالى جميل. Il est جميل في ذاته وفي أسمائه وصفاته عز وجل et أفعاله جميلة كلها. C'est pour ça que ce nom, كما سيأتي معنا, c'est un nom عظيم. Et له معاني كثيرة et جليلة. Que Cheikh Saadi l'a cité هنا رحمه الله قال الجميل من له نعوت الحسن والإحسان فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله سبحانه وتعالى جميل في ذاته. On répète, الجمال c'est la beauté. وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوس que الله سبحانه وتعالى il fait c'est جميل. Et c'est fi maslahat al-abd, c'est pour ton bien, akhi al-karim. Celui qui comprend hadhihi al-ma'ani, ce sens, ça va l'aider à accepter al-qadr. Ça va l'aider à accepter ahkam Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, si t'as ordonné de faire le salat, de l'adorer seul, de sortir le zakat, pour la femme de porter le hijab, maintenant c'est pour son bien, c'est pour le bien de cette femme. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, c'est le ghani, il n'a pas besoin des êtres humains. Enfin, s'il nous a ordonné certaines choses, c'est pour notre bien. Et si tu réfléchis et tu médites, fais hadha al-ism, ça va t'aider. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jamil. Tout ce qu'il fait, c'est jamil. Qala, fala yumkin, makhlouqan an yu'abbir an ba'd, jamal dhatihi, hatta anna ahl al-jannah. مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح وودوا أن لو تدوم هذه الحال لأن الله سي الجميل. Le jour où les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala في الجنة tellement que ils vont être satisfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Jamil. Enfin, ils vont... Ça va être la plus grande ni'ma. Ça va être la plus grande récompense. Pourtant, fil Jannah, ils auront ce qu'ils veulent. Les croyants, fil Jannah, ils auront tout ce qu'ils veulent. Lakin, ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala, ça sera a'zam al-jaza. Ça sera la plus grande récompense. Limadha, li'annahum, ils verront Allah. Et ils verront هذا الجمال. عز وجل. قال وتلاشى ما هم فيه من الأفراح وودوا أن لو تدوم هذه الحال يكتسبوا من جماله ونوره جمالا إلى جمالهم، وكانت قلوبهم في الشوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بيوم المزيد وفرحا نعم فرحا تكاد تطير له القلوب. وكذلك هو جميل في أسمائه فإنها كلها حسنى، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. نعم، ولله الأسماء الحسنى، الله سبحانه وتعالى إلى أجمل الأسماء les plus beaux noms. C'est pour ça qu'ils traduisent par les plus beaux noms. ولله الأسماء الحسنى أي les plus beaux noms. Et في الحقيقة cette traduction c'est une partie du sens فقط. وإلا qui c'est qui peut citer l'autre sens؟ ولله الأسماء الحسنى عندما أي الجميلة. Et كذلك تفضل. نعم، لكن قوله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ هنا قال الجميلة، بمعنى الكمال، أحسنت، الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأن شك اسم il englobe un attribut parfait. Les attributs sont parfaits, il n'y a pas d'imperfection. وهذا تقدم معنا. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى هل تعلم له سمية، فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال. ولا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره، إلى كمال وغيره. وكذلك هو الجميل في أوصافه، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعود ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والكرم والجود. وهذا سيأتي معنا. On explique pas tout en détail, pas tout هنا، لأن هذه المعاني ما يتعلق بالرحمة، البر تقدم معنا اسم البر، والكرم تقدم معنا الكريم الأكرم، والجود سيأتي معنا الجود. قال وكذلك أفعاله كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثني، أو نعم يحمد عليها ويثني عليها ويشكر، كأنه ويثني عليها أو ويثني عليها. نعم، قال التي يحمد عليها ويثني عليه ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فلهذا الإنسان يجب عليه أن يستسلم لقدر الله عز وجل. لماذا؟ لأن القدر حكم الله سبحانه وتعالى. C'est Allah qui a décidé, qui a décrété, qui a voulu que telle chose arrive. Celui qui comprend هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى جميل في أفعاله، et من أفعاله أنه il a décrété, il a décidé que telle chose allait se passer, ça va l'aider à se soumettre. تعلمون أن بعض الناس quand ils sont touchés par une chose ربما يسبون، ils insultent أو يدزسبر أو عيادا بالله اعتراض واضح par rapport au destin que الله سبحانه وتعالى il a décrété. لماذا؟ لأن هذه المعاني elles sont ignorées. كثير من الناس ils sont attachés à الدنيا et ils pensent qu'à eux et ils oublient, ils sont في غفلة عظيمة أن tout ce qui se passe في هذا الكون c'est بقدر الله عز وجل وقضائه. Et si tu comprends que هذا القدر il est fondé sur الجمال c'est pour ton bien. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، c'est pour ton bien. Même si tu es touché par une maladie, par la pauvreté, par un ennemi qui veut te faire du mal, tu es touché par n'importe quelle musiba, حسن الظن بالله c'est مهم. Et هنا tu peux faire le lien avec le jamil. لماذا حسن الظن بالله عز وجل؟ لأنه il est jamil. Allah سبحانه وتعالى il nous a pas créé pour nous faire du mal. Allah سبحانه وتعالى il nous a pas ordonné des choses pour notre mal. Tout ça c'est pour ton bien. لكن si tu connais Allah سبحانه وتعالى avec ses noms, أنه c'est الرحيم، c'est الرحمن، c'est الجميل، c'est البر، c'est الكريم إلى آخره، لا شك ça va aider المؤمن à accepter beaucoup de choses. تأمل حال الكافر، حال الكافر quand il est touché par une catastrophe، عيادا بالله، لا إيمان ولا علم، ils ont pas la foi، ils ont pas la science، ils connaissent pas ses noms، c'est des mécréants، c'est des couvards. فتأمل في حالهم، تأمل comment ils font, comment ils se comportent quand ils sont touchés par quelque chose. قال فليس في أفعاله عبث ولا سفه. Et ça c'est مهم. Et ça c'est مهم. لماذا؟ لأن on vit à une époque أن البعض عيادا بالله يتكلمون في أحكام الله عز وجل que ce soit في القرآن أو في السنة كأن c'est des choses elles sont plus utiles. On appelle cela en arabe العبث. العبث c'est quelque chose لا فائدة فيه. C'est ça العبث. Il n'y a pas de فائدة. قال رحمه الله فليس في أفعاله عبث. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, que ce soit pour l'homme ou pour la femme ou pour les deux, il y a une faïda azima. Al-hijab y a une faïda azima. La salat y a une faïda azima. Al-hijra y a une faïda azima. Al-jihad y a une faïda azima. Suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam y a une faïda azima. Appliquer hukm Allah subhanahu wa ta'ala y a une faïda azima. Mais on vit à une époque et la haqiqa c'est la mécréance claire. Al-Ba'd ils disent que là, ces choses, c'est plus adaptable. On est au 21e siècle, on est dans les années 2000, on est kada, on est kada. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lam. Ka'anna Allah azza wa jal, c'est pas le jamil. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le hakim. Hakada lisan halihim, même s'ils ne le disent pas avec le qawl. Et ça, c'est très très grave, c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala, jamilun. Tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il fait, c'est jamil, et il y a une maslaha, et c'est pour ton bien. Si tu as un problème, ça vient de toi. Par rapport, on parle à une adoration. Si ton cœur il a du mal, ça vient de toi. Travaille ta foi. Apprends ton dîn, apprends les noms d'Allah Azza wa Jalla. Si cette adoration elle est citée dans le Coran ou dans le Sunnah, normalement ça ne doit pas te gêner. Abadan. Celui qui ressent une gêne, ça vient de lui. Amma al-ba'd. Mathalan, ils ont une gêne de porter le hijab. Au lieu de se remettre en question et faire dua, essayer d'apprendre, essayer de chercher al-maslaha de hada al-hijab. Pourquoi la femme elle doit se couvrir tout le corps? Ils trouveraient des fawaid azima, c'est pour le bien de la femme. Hum, qu'est-ce qu'ils vont au lieu de se remettre en question? Directement, là, ça c'est. C'est du radicalisme, c'est du fondamentalisme. Thomas, il rejette. On est à une période, la femme, elle est libre. Pourquoi elle se couvrirait alors que l'homme, il ne se couvre pas? Et Iyadan Billah, il s'égare. Et bien, l'haqiqa, ils se font du mal qu'à eux. Mais celui qui a هذه العقيدة, أن أفعال الله عز وجل لا عبث فيها, فالحمدلله, il accepte. Il accepte. S'il a un problème, il se remet en question, il apprend. Et Inch'Allah, même s'il a une faiblesse fil fi'l, même s'il a une faiblesse fil amal, ça arrive. L'insan, une adoration, il ne peut pas l'appliquer. Il a une faiblesse de foi. Aqal shay, c'est ne rejette pas. Ne dis pas là, c'est plus utile, c'est plus adapté. On est une civilisation avancée, on n'est pas des retardés. Il a arrêté. Tout ça, c'est de la mécréance. Si, هذا الكلام, il vise أفعال الله عز وجل. Avec tout ce qui est lié à la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولا سفه. نعم. Safa, c'est encore plus grave. Al-abat, c'est pas de faïda. Et al-safa, yadam billah, c'est quelque chose qui est inutile et rubbama vihi shar pour l'insan. Et ça, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est l'hakim. Qal wala souda, ça ressemble à l'abat. Souda, c'est quelque chose qui n'a aucun but. Et hada, c'est grave, kadhalik. Wala dhulm, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, la yadlim ahada. Qal kulluha khayr wa huda wa rahma wa ruj wa adl. إن ربي على صراط مستقيم قال فكماله الذي لا يحصى فلكماله الذي لا يحصى نعم لا يحصى أحد عليه به ثناء أو لا يحصي أحد كأنه يحصي زابيليا أو نعطس المملي كأنه لا يحصي أحد عليه به ثناء نعم قال فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن الأحكام وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع وأتقن ما صنعه صنع الله الذي أتقن كل شيء. Et هذا ça revient à tout ce qu'on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a ordonné, c'est parfait. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سل خالق سل عليم سل خبير c'est le hakim. Enfin, toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fondées sur la science, sur la hikmah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu hadha shay pour le bien des serviteurs. Lakin, akthar an-nas la ya'lamoun. Qala wa ahsan ma khalaq alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Na'am, liqawmin yuqinun. Ceux qui ont le yaqin, qui sont à la ilm. Ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaîtront. En Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ahsanu al-khaliqin. Et hukmuhu, il est fondé sur al-adl. Azza wa jal. Qala thumma stadalla al-musannif bidalil aqli ala jamal al-bari. Qawluhu thumma stadalla al-musannif qala fil hashiyah. Ya'ni al-musannif bil-musannif ibn al-qayyim rahimahullah. Limadha? Lianna hadha al-kalam, c'est min sharh an-nuniyya. شرح النونية للإمام ابن القيم رحمه الله الشيخ السعدي له شرح على النونية النونية c'est une poésie que l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله il a écrit في العقيدة pour montrer la croyance des salaf et cette poésie في الحقيقة c'est un مصدر c'est une référence pour celui qui veut étudier les noms d'Allah عز وجل لماذا لأن الإمام ابن القيم رحمه الله dans النونية il a cité beaucoup de noms d'Allah عز وجل et il les explique avec des vers de poésie et الشيخ السعدي رحمه الله له تعليقات. Il a des annotations sur An-Nuniyya. Et Hadha al-Kalam, c'est de ces annotations. قال ثم استدل المصنف بدليل عقلي على جمال الباري وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن فهو أولى منها. Et هذه c'est une faïde عظيمة. Quand tu vois quelque chose de jamil, في الأرض أو في السماء أو في أحد المخلوقين. Quand tu vois quelque chose de jamil, quelque chose de beau, فعلم أن الله سبحانه وتعالى il est أولى بالجميل. لماذا؟ لأن خالق هذا الجميل c'est الجميل عز وجل. Celui qui a créé cette beauté sur cet être humain أو cette étoile أو ce soleil أو ces montagnes أو ces océans, c'est الجميل. Cette beauté que tu vois dans certaines créatures, c'est rien comparé à la beauté d'Allah. لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْمَصِيرُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. فهذا كلام الشيخ السعدي فهو أولى منها أي بالجميل. قال لأن معطي الجمال أحق بالجمال فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري خصوصا ما يعطيها المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم فله بدا فلو بدا كف نعم فلو بدا أي فلو ظهر فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لا طمس ضوء الشمس. فتأمل هذا الجمال الحور العين c'est une parmi ces femmes que Allah il a créé pour Jannah الحور العين c'est une de ces femmes elle dévoilerait sa main face à couvrir la lumière du soleil من كثرة جمال هذه المرأة. Celui qui a créé cette femme, c'est le Jamil, c'est Allah Azza wa Jal. Fahadha al-Jamil, que tu peux même pas t'imaginer sur une créature. Et tout ce qui est dans le Jannah, que ce soit le Hur al-Ayn ou autre, c'est Jamil. Fa'alam an Allah subhanahu wa ta'ala, il est ajmal. Il n'y a aucune comparaison. Laysa kamithlihi shay. Qala, kama tatmas al-shams, kama tatmas al-shams, dhaw al-nujum, alaysa alladhi kasaha dhalika al-jamal, wa manna alayhim bidhalika al-husn, والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله الشيء. فهذا ما vient d'expliquer. Celui qui a donné à cette créature cette beauté, فلا شك أنه il est أولى. لماذا؟ لأنه s'il a donné à cette créature cette beauté et c'est le Jamil, فلا شك أن الله سبحانه وتعالى il est أجمل. Et il n'y a aucune comparaison. قال فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته. قال تعالى ولله المثل الأعلى. نعم ابن القيم رحمه الله إلى ديتاي كثيرا معنى هذا الاسم إلى بوكو ديتاي sur le sens de اسم الجميل إن شاء الله on essaiera à la fin du cours de lire certaines de ces paroles. فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا. نعم فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا فإن معطيه وهو الله أحق به من المعطي بما لا نسبة بينه وبينه كما لا نسبة لذواتهم إلى الذات. Ça c'est une faïda عظيمة. Ça va t'aider quand t'as t'aimé وتتفكر. Et quand tu vois certaines créatures, أحيانا tu vois des créatures جميلة, d'autres كبيرة عظيمة, comme le soleil, comme la lune, comme les océans. ففي الحقيقة هذا ستكون pousser à عظم الله عز وجل. لأن si cette créature a la شيء من الجمال أو من العظمة ou autre, في الحقيقة ça doit te pousser à penser comme cela. Celui qui a créé cette chose, il est ajmal, il est a'zam, il est akbar. C'est pour ça que quand on voit une chose, ahyanan, une créature, ajiba ou jamila, on dit subhanallah, et ça nous étonne. Hada fil haqiqa, ça doit nous monter l'iman. Pas comme ils font a'da'ullah. Anahum, ils disent c'est la nature, anahum, ils disent kada, et la yastafidouna shay'an. Pourtant, ils profitent comme nous. Celui qui voit une belle chose, il la croit, que ce soit un mu'min ou un kafir. Lakin al-mu'min, hatta fi hada al-hal, il en profite pour que son iman y monte. Quand tu vois quelque chose d'azim, comme le soleil, comme... Ta'amal, qui c'est qui a créé hada shay? Et là, chaque ça va faire monter ta foi. Qala, وصفاتهم, na'am, kama la nisbata li dhawatihim ila dhatihi, وصفاتهم ila صفاته, فالذي اعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال, أحق منهم بذلك. Et تستفيد هنا une فائدة عظيمة, et تقدمت معنا أن... l'être humain peut avoir une sifa, l'être humain peut avoir une sifa, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette sifa, mais il n'y a aucune comparaison. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'être humain avec des yeux, la vue, avec l'ouïe, l'entend, avec une vie, avec de la science, avec une capacité, avec de la beauté, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ahaqbin. L'imala, s'il l'a créé avec ces choses, c'est des sifat jamila, et c'est du kamal. فالله سبحانه وتعالى il est ahaq bil kamal. Pourquoi? لأنه il a l'asma al-husna, tous les noms qu'on a vus ensemble, et inshallah qu'on continue d'étudier ensemble dans cette risale. Et al-ishtirak fi hadhihi kama taqaddam ma'ana, une règle fi hadha, annahu ça implique pas la ressemblance. L'être humain il a une vie, Allah il a une vie, est-ce que ça se ressemble? Même si c'est le même mot, yukhrij al-hayy min al-mayyit, Allah il a appelé l'être humain hayy, bal il a appelé al-hayy bil alif wal lam, al-hayy. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hayy al-Qayyum. Est-ce que ces deux noms qui englobent les deux, l'attribut de la vie, est-ce que c'est la même vie? La vie d'Allah, elle est parfaite, et l'être humain, sa vie, elle est faite de faiblesse et de manquement. Wa hada, alhamdulillah, on l'a vu ensemble, kathiran. Qala, wa kayfa yu'abbir ahadun an jamalihi, wa qad qala, a'lamu al-khalq bih, la uhsi thana'an, na'am, c'est la uhsi bilia. Et donc le mot d'avant, la'allahu, c'était la même chose. La uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqih. Ça montre an wasf Allah azza wa jalla, le fait de le décrire, de décrire sa beauté, ay son jamal, annahu sal jamil, et toutes ces sifat, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, on connaît le sens. أما الإحاطة بهذه الأمور أو العلم بالكيفية فهذا لا. وقال تقدم قال فسبحان الله وتقدس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علوا كبيرا وحسبهم مقتا وخسارا أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته مصيبة التعطيل والتحريف. وهذا كذلك on l'a étudié ensemble dans les dourous sur les sectes, et on l'a étudié ensemble dans les dourous dans l'aqidah. أن قوما من المنحرفين المجرمين الظالين عطلوا هذه الصفات. فتأمل الجهمية مثلا لا يؤمنون بهذه الأسماء. Tous les noms qu'on a vu et tous les noms qu'on verra ensemble, inshallah, الجهمية لا يؤمنون بها. الجميل العظيم القدير الرحيم الرحمن, ils disent Allah il a pas de nom. المعتزلة يؤمنون بالأسماء لكن لا يؤمنون بالصفة. فعندهم الجميل, tous ces sens qu'on vient de voir ensemble qui font monter l'iman, la yu'minuna biha, ils disent Allah c'est le Jamil, et pour eux c'est un nom faqat, il n'a aucun sens. فلهذا قال رحمه الله فسبحان الله وتقدس عما يقول الظالمون النافون لكماله علوا كبيرا. انت تستفيد من هذا une faïda عظيمه. اولا, tu fais des efforts pour connaître le sens. لماذا? لان ça va te profiter, les noms d'Allah et ses attributs. Et كذلك, tu fais attention à l'égarement fi hadha al-bab. Ta'ammal qalb hadha al-jahmi mathalan, un jahmi la yu'minu bil asma wa la sifat, comment il va adorer Allah? لا يؤمن بالأسماء ولا الصفات il croit pas en nom et en attribut et aux attributs comment il va adorer Allah عز وجل هذا est-ce qu'il va espérer il peut pas il croit pas en nom est-ce qu'il va avoir peur il peut pas il croit pas en nom هذا عيادا بالله c'est pas un mu'min celui qui croit pas en nom et aux attributs d'Allah عز وجل c'est pas un croyant فلهذا العلماء كفروا الجهمية ça ça te montre le fait d'étudier les noms d'Allah عز وجل et ses attributs et plus globalement عقيدته السلف c'est une ni'ma فحافظ على هذه النعمة. avec plusieurs choses. الاجتهاد في الدروس. fait des efforts في الدروس. fait des efforts في المراجعة. fait des efforts pour mettre en application. fait des efforts pour propager. fait des efforts pour préserver هذه النعمة. ne pas la délaisser pour dunya ou pour autre chose. حافظ على هذه النعمة. عض عليها بالنواجد. accroche-toi le plus possible. لماذا لأن plus tu t'accroches à هذا الباب العظيم العلم خاصة العقيدة لنون الله les attributs tu seras éprouvé par des ennemis des kuffars des innovateurs des jaloux إلى آخره فاصبر بعض الناس ils sont à la فرغ ils ont rien à faire et ils font rien pour la umma et ils font pas grand chose pour les autres et شغلهم الشاغل c'est de décourager les autres احذر ne fais pas attention tant que tu es à la khair accroche-toi demande toujours le haqq et cherche toujours les preuves du Coran et de la Sunna et accroche-toi à Aqidat al-Salaf. Aqidat al-Salaf, ce n'est pas réservé qu'à un tel et un tel minannas, et les autres c'est des égarés. Là, Aqidat al-Salaf, celui qui la connaît, qui la met en pratique, falhamdulillah, il est à la khair. On le connaît, on ne le connaît pas. C'est notre frère, il est à la khair. Qala, wa jama' al-mu'allif, bayna al-jalil wal-jamil, li anna tamam al-ta'abbud, lilla, huwa al-ta'abbud bihadhin al-ismain al-karimain, فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له تأملوا هذا المعنى الجميل أن سيدنا الجليل et الجميل تقدم معنا أن الجليل لا يثبت لكن tu peux le remplacer par العظيم par الكبير par المتكبر سيدنا في الحقيقة تقدم معنا هذا كثيرا أن le premier nom ستستفيد منه une فائدة عظيمة ça va te pousser à craindre Allah عز وجل فلهذا قال لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين ثم قال فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه ça va te pousser à le craindre et avoir peur لماذا لأنه c'est العظيم والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته tu vas l'aimer أكثر si tu connais le sens de ce nom لماذا لأنه il est جميل Et l'être humain, il est khuliqa ala hadha, annahu il aime le jamal. N'importe quel humain, il aime les belles choses. Et il déteste les choses qui ne sont pas belles, les mauvaises choses. Hakada l'être humain, il a été créé. Enfin, si tu sais que Allah c'est le jamil, fi dhati, wa fi asma'i, wa awsafi, wa af'ali, et dinuhu jamil, et tout ce qu'il a révélé c'est jamil, ça va te pousser à l'aimer akthar. Ben, ça va te pousser à faire des efforts pour le connaître akthar. Qala, wa ta'alluh lah. Hadhihi al-mahabba va te pousser à l'adorer. Fa hadha ça nous montre arkan al-mahabba, c'est ce qui vient de citer al-shir. Al-khawf wa al-ta'zim wa al-mahabba wa al-raja. C'est ça les piliers de al-mahabba. Pour adorer Allah Azza wa Jalla, la bud min khawf wa mahabba. Tu l'adores, لماذا لأن tu l'aimes et tu espères la récompense et tu l'adores كذلك لماذا لأنه tu le crains tu as peur de son châtiment لأنه c'est العظيم عز وجل قال وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد الوداد ça ressemble à المحبة المحبة والصفاء ça ressemble au mot خالص هذه المعاني elles sont proches خالص المحبة أي لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى المحبة من عبادة من عبادة قال يسبح القلب في رياض معرفته وميادين جماله وينهج بما يحصل له من آثار جماله وكماله فإن الله ذو الجلال والإكرام كذلك سوف تبصي à faire des efforts dans l'adoration لماذا لأن si tu aimes Allah عز وجل ça va être très simple de l'adorer si tu l'aimes عز وجل ça va être très simple de s'écarter de ses interdits لماذا لأن tu voudras pas désobéir à celui que tu aimes. Bel, tu vas vouloir que celui que tu aimes, il t'aime. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, tu dois l'adorer, عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أي suivre هذا الدين. خالص المحبة أي قلنا أن المحبة لله عز وجل وحده. أما tout ce qu'on aime d'autre c'est fait là. On aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est fait là. On aime les croyants, c'est fait là. On aime le Coran parce que c'est la parole d'Allah. On aime la Sunna parce que c'est la révélation d'Allah. Et après, bien sûr, il y a le mahabba tabi'iyya, le fait d'aimer ses parents, d'aimer certaines choses. هذا تقدم معنا كثيرا. Ibn al-Qayyim له كلام جميل. Et on conclut le dars avec هذا. انتهينا. نعم. Donc, المرجع قال الحق الواضح المبين. نعم. Il a deux livres. Il a le haqq al-wadih al-mubin. Tadhkurun. Hada c'est fi. Hada c'est fi. Ba'd abiyat al-nouniya. Al haqq al-wadih al-mubin. Aynahu. Na'am. Al haqq al-wadih al-mubin. Fi sharh tawhid al-anbiya wal-mursali. Min al-kafiyya al-shafiyya. Il a un livre. Il a expliqué certains vers. Na'am. De poésie de al-nouniya. Les vers fi tawhid al-anbiya wal-mursali. Et c'est beaucoup sur les noms et les attributs. Hada, al-kitab, Cheikh Saadi l'a appelé al-haq al-wadih al-mubin. Tu as un autre livre, c'est des ta'liqat, yassira, al-nouniya, entière. Et il l'a appelé tawdih al-kafiyya al-shafiyya. Donc, c'est ces deux livres. Falihada, qala huna, wa qala al-musannif, wa jama'a al-muallif, ay ibn al-qayyim, rahimahullah, fi al-nouniya. Qala ibn al-qayyim, rahimahullah, na'am, al-marji' ka'annahu al-fawa'id. نعم الفوائد قال رحمه الله أي بارابور اسم لنون الجميل وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة فيبغض القبح وأهله ويحب الجمال وأهله فالله سبحانه وتعالى سي الجميل ويحب الجمال كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال الله يلام الجمال يلام la beauté dans quoi dans l'aqwal dans l'af'al dans l'ibas dans l'hay'a هذه c'est une ثمرة عظيمة pour toi. On a compris le sens de الجميل أن الله il est جميل له صفة الجمال donc يحب الجمال donc أنت en tant que عبد tu dois faire des efforts pour adorer Allah سبحانه وتعالى avec هذه الأمور donc tu dois embellir tes paroles الجمال في الأقوال avec le Coran تلاوة القرآن avec الأذكار avec الكلام الحسن وقولوا للناس حسنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت tu embellis tes paroles et tu t'écartes des mauvaises paroles le fait d'insulter le fait de se moquer عيادا بالله insulter l'islam إلى آخره des paroles graves du kufr et d'autres قال رحمه الله والأفعال كذلك tu dois faire des efforts في جميل الأفعال c'est quoi جميل الأفعال c'est appliquer le Coran, appliquer le Sunnah, la sincérité, la modestie, le bon comportement. Et كذلك les belles croyances, aimer pour Allah, détester pour Allah, et la akhira. قال واللباس كذلك جميل اللباس الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال فالإنسان لا يظن كما يفعل بعض الضلال من الصوفية أنهم يبنس que le fait de ne pas se laver, de ne pas prendre soin de soi, c'est min al-ta'abbud. Ça, c'est min al-inhiraf. Celui qui a un niya de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec quelque chose de qui n'a pas de beauté, ou qui sent mauvais, ou il s'éloigne de la propreté, ça, c'est de l'écartement. Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il aime la propreté. Et c'était l'être humain le plus propre. Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il aime la beauté. Fil libas, il a akhrif. Un insan, il prend soin de lui. Khasadan, celui qui a les moyens. والله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر نعمته على العبد كما جاء في الحديث الله يلام quand il donne quelque chose à un abd que cette ni'mat se voit sur lui donc adorer Allah سبحانه وتعالى sans suivre le prophète عليه الصلاة والسلام en faisant des efforts c'est pas en délaissant des choses permises هكذا كما يفعل الصوفية en prétendant que ça rapproche d'Allah عز وجل كذلك الهيئة c'est l'apparence vous avez remarqué الترتيب on vit à une époque كثير من الناس يدن دو لامبورطانس الجمال لابارونس فقط هذا المؤمن لو نيغليج با لكن سي با سا لوبجيكتيف بعض الناس يدن دو لامبورطانس او جمال في اللباس دون لوغ فيتمون لا بوتي دي فيتمون بروبر الى اخره اي كذلك لوغ كور يبرون سوان دو لكن يزوبلي الجميل والجمال في الأقوال والأفعال. Et ça, c'est une musiba. لأن ce qui distingue le mu'min du kafir, c'est al-jamal fil aqwal wal af'al. بعض الكفار الآن, ils prennent soin d'eux-mêmes, ils ont des bons vêtements, il a akhri. Lakin, c'est pas ça la différence. Ou c'est pas ça qui va sauver l'être humain yawm al-qiyamah. Ce qui va te sauver, akhi al-karim, c'est al-jamal fil aqwal wal af'al. بعض الناس, ils passent des heures, ayyadun billah, dans la salle de bain, ils prennent soin d'eux, ils se parfument, des crèmes, il a akhri, le musiba, même certains hommes. Fil mar'a, c'est ahwan. لكن même la femme, elle ne doit pas perdre son temps في هذا فقط. لكن في حق الرجال c'est une مصيبة. Et tu les trouves في الأقوال والأفعال والمعتقد. Au lieu de rechercher هذا الجمال qui va embellir l'insan حقا, ils ne font aucun effort. هذا c'est من الخدلان. Ça c'est de l'égarement, ça c'est de la perte de temps. نحن néglige pas هذا ولا هذا. Et l'essentiel et le principal, c'est la beauté dans la croyance, dans les paroles et dans les actes. Et ta'ammal, Ibn Qayyim rahimahullah, il a commencé par ça. Et kadhalik, celui qui a une bonne croyance, qui suit le prophète Aïssa al-Salam, la shuk, il donnera de l'importance des beaux vêtements. Inna Allah yuhibbu al-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin, al-tahara. Et alhamdulillah, la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous encourage à prendre soin de nous. Et la propreté, le parfum, il a akhiré. Hada kalamun jamil, et ça nous montre الأثر كما أدعي الله عز وجل avec هذا الاسم الله il est جميل il aime le جمال donc on fait des efforts pour cette beauté on n'oublie pas la beauté du din avant la beauté de l'apparence et de nous-mêmes et on peut citer un autre كلام il est جميل قال والمقصود وهذا الكلام كذلك من الفوائد أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين الحديث نعم إن الله جميل يحب الجمال Allah il est jamil et il aime le jamal, la beauté. فهذا الحديث il renferme deux fondements. قال فأوله معرفة وآخره سلوك. Un fondement عظيم dans l'aqida, dans le ma'rifa, أن الله عز وجل il est jamil. Un de ses noms c'est al-jamil, l'attribut c'est le jamal. Donc tu vas avoir une fa'ida, un fondement dans les noms d'Allah عز وجل. وآخر في السلوك ويحب الجمال. Donc, anta, tu vas devoir adorer Allah Azza wa Jal par rapport à cette mahabba. Ce qu'on vient de citer, min kalame. Lakin, huna, il l'a détaillé, qalilan. Qala, fa'i'rifu Allah subhanahu bil jamal. Alladhi la yumathiluhu fihi shay. Wa ya'buduhu bil jamal. Alladhi la yuhibbuhu min al-aqwa. Alladhi yuhibbuhu min al-aqwa wal-a'mal wal-akhlaq. C'est le détail de ce qu'on a lu auparavant. Donc, al-jamal fil-aqida, c'est quoi? أن تعتقد أنه لا يماثله فيه الشيء ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير N'oublie pas cette beauté et donne-lui du temps que Allah subhanahu wa ta'ala il est unique dans l'adoration il est unique في الربوبية c'est le seul créateur et il est unique dans ses noms et dans ses attributs فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة ils ont خالف هذا ils ont خالف هذا et ils se sont égarés même s'ils prennent soin d'eux en apparence il a akhiré Ils ont un énorme manquement fi hada, bel de l'égarement clair. Qala wa ya'buduhu bil jamal alladhi yuhibbuhu min al aqwal wal a'mal wal akhlaq. Hada taqaddam ma'ana. Al ibada ça embellit, l'adoration ça embellit le croyant. Qala fa yuhib man min 'abdihi an yujammil lisanahu bis sidq. Allah subhanahu wa ta'ala il aime que l'abd il embellisse sa langue bimadha bis sidq. En disant la vérité. قال وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل. كذلك embellit ton cœur, أخي الكريم, avec la sincérité, محبة الله عز وجل, الإنابة, أي تتوب, tu regrettes et tu demandes pardon à Allah سبحانه وتعالى, والتوكل, et place ta confiance en Allah. Si tu embellis ta langue et tu embellis ton cœur, tu verras que tes membres, ça suivra. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله لكن المصيبة في une époque الآن أن الناس ils sont attirés par la beauté leur apparence فقط et le physique c'est pour ça que tu trouves أحيانا une apparence tu trouves مثلا رجل il a une apparence ما شاء الله et il prend soin de lui الآخر tu l'entends parler تكره tu entends ce qu'il pense et ce qu'il croit في الله عز وجل tu le détestes في الله ربما il dit du kufr, ربما il insulte, ربما il se moque, ربما il croit pas. Il a plus aucune valeur pour toi. Même s'il est propre, même s'il a des vêtements chers, il a akhiré, il vaut rien pour toi. Tu trouves un autre, mutawadi'a, Robama, il a un physique beaucoup moins beau qu'un autre. Allah, il l'a créé comme il l'a créé. Lakin, tu l'entends parler. Et tu vois ses a'mal, tuhibbuhu billah. Et pour toi, il est jamil. Et l'autre, tu ne peux même pas le voir. Prends l'exemple des koufars. Ils n'ont pas de jamal. Même s'ils font ce qu'ils veulent, leur a'mal, ça les enlaidit. Hada, ma'na hada, al-kalam al-azim. Qala, وجوارحه بالطاعة وبدنه بالاضطهار بإظهار نعمه عليه بلباسه وتظهيره له والتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة إلى آخره. فهذا كلام جميل. قال في الخاتمة فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوك. Deux règles importantes dans ce hadith. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. On répète. Qala fayarifuhu. Il va savoir, il va avoir la conviction qu'Allah c'est le jamil. Bil jamal alladhi huwa wasfuhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala tous ses attributs jamila. Qala wa ya'buduhu bil jamal. Il va adorer Allah azza wa jalla bil jamal alladhi huwa shar'uhu wa dinuhu. Thumma qala fajam'a al hadith qa'idatayn. Donc al ibada c'est suluk, ça va être ton cheminement. Comment tu vas adorer Allah? Ça va être fondé sur cette beauté. Et al-ma'rifa, c'est ta croyance, elle va être fondée sur هذا الجمال. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadat. Et on passe à notre deuxième dars. Walhamdulillah.